voilà sur une prod lourde. Fat patate, hey, c'est le rap zouz, toujours t'attaque. V'la Bagdad qui débarque dans les bacs. J'envoie mes lyrics, t'as du mal à amortir l'impact. Remballe, si tu fais le susbit avec les hippos. Y'a pas de fumée sans feu, si t'as l'essence, moi j'ai le zippo. Fais pas le bad boy, hey, fais pas le showman. Tu fais mettre dans le dé, mais ta meuf c'est une infomane. Baba Bagdad, patate, j'attaque le mic. Si tu veux pomper mon time à la main, c'est dead man. C'est la triade que t'entends, pousse les basses. Encore une grosse caisse, bref, encore un sou qui te met des jambes. Je représente les moves, les amen, les fatou, les aïen. La voix du 9-4, la verbale mitraillette. Aucun malin de faire ta fête sans trace, mes paillettes. Vas-y, monte sur cette, les petits accueils aux canettes. Juste après la première gorgée, mec, avant de te mettre au rap, faut déjà que t'apprennes à torcher. On a tout ce qu'il faut pour t'envoyer dans les bras de Morphée. La droite de Fanterley, la clé de Torphée. Aïe, parle mal de mon trou, mais je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Mets des bâtons dans ses roues, mais peuvent pas stopper la machine. Viens, viens avec un nouveau programme. Dragon et la Zika, l'Excel ou d'autres pâteaux, je grave redresse un mouvement bancal. Sans la chaleur montée entre femelles et mâles, man. Qu'on pourrait faire s'accoupler comme l'animal, man. J'avoue faire du reggae bizarre que je m'animale. Des fois j'ai le respect, des fois j'y risque de mettre des rastas. Ligne. Un peu d'encre et une feuille blanche. Tout niqué sur le passage, n'oublie pas qu'on a qu'une seule manche. Une seule chance, des brouillards, une raison d'être. À la recherche de pif, j'ai cessé de faire du son scred. Comme Michel, je perds pas son aléatoire. On m'a mis devant un mic, on m'a dit aléatoire. C'est dark, au cas où tu connaissais pas. C'est dark, on opère et c'est bien ce qui nous sépare. Ok, qu'est gros si c'est aromatisé de business. Un peu qu'une grosse que comment la mettre avec finesse. Je vise les kinés, sans qui des styles qui plaisent. Sans mentalité, Bagdad, conduite en état d'ivresse. Ouais, ouais. Sortez les bouées de sauvetage, t'as fait une boule des sauvages. N'apparaît pas la surface, ok. Pas la peine si t'es pas cloqué. Tu te présentes dans un sas postiché que tu fais bloquer au paquet. Ah, pas une tasse qui en veut qu'à tes thunes. Toi qui battais des ailes, t'en perds tes plumes. Ouais, ça va péter, ouais, j'ai beau me répéter. Mais qui se permet de rentrer comme ça dans le rap français? Laisse-moi faire le sale boulot. J'rappe en apnée, ouais, c'est ça, fous-moi la tête sous l'eau. À la prod, c'est farine. La banane, c'est une transac à la farine. Ah. Je représente Bondi Nord 93-140. Jusqu'à Vitry sur scène, on te met que des coups de crosse. Je me présente, moi c'est moi, ça fait moi ton poids. La voix grave, bruit, bruit, tu sens la bête féroce. Ma vie un combat normal, choix et vénère. Joue pas l'anaconda, t'es qu'un ver de terre. Déterre, lui c'est la triade, mentalité Bagdad. J'espère que tu captes mon putain de faux handicap. Qu'est-ce qu'handicap, on passe la cravate au boucap. Ceux qui bavent finissent dans le coffre, dans la cave. On fait confiance aux armes, nique le charme des femmes. Préfère me diriger vers le slam que vers les flammes. Le hip-hop te choque, époque qui choque. Génocide à coup de hachette ou à coup de ch'tachette. Hachek, le doigt sur HF comme sur une gâchette. Farid en one shot, lyrics lâchés. Trop d'histoires falsifiées, d'esprits façonnés. Nos efforts estroqués, estroqués. Je veux pas troquer pour ces instants, je veux croquer. Tous cramés comme la mèche d'un cocktail allumé. We'll be right back.